le dirigeant suprême Kim Jong-un a envoyé comme présent les moyens de plan moderne à l'Institut de l'architecture Baek-tosan. La cérémonie de remise a eu lieu le 1er mars en présence des officiels intéressés, des cadres et autres membres du personnel de l'Institut.